Audiomatique. Thank you. amorcer cette transmission 219 d'Audiomatique, vous entendiez la musique du compositeur Ton Driessens, qui œuvre sous le pseudonyme de Doster, qui s'orthographie, dis-je, avec deux U. Sa composition s'intitule Izumi Sita et se retrouve sur la compilation Table of Elements de l'étiquette de disque française M-Tronic. Les électronistes, qui vous remercie d'être à l'écoute et qui vous accueille pour une dernière fois à Audiomatique. En effet, la semaine prochaine, Audiomatique fait relâche et à partir du mercredi 2 janvier 2019, Audiomatique sera animé par les sonoristes qui prendront le relais des électronistes en élargissant le spectre de l'émission en s'intéressant à tout ce qui est sonore et non pas seulement au style électronique. Mais soyez rassurés, car les sonoristes laisseront une large place à la musique électronique dans leur transmission d'Audiomatique. Avec cette perspective de finalité et de renouveau, poursuivons donc tout en musique à Audiomatique avec Max Cavalera. We'll be right back. nous avions droit à Audiomatic, à la musique du duo australien Arcane Trickster et leur composition Remember the Time, T-H-Y-M-E, de leur plus récent album Igniting. C'était précédé du duo américain Mint Julep et la chanson No Letting Go de leur deuxième album Save Your Season. Et pour débuter, il s'agissait de Max Cavalera et sa pièce 1000 CCM tirée du mini-album The Bigger, The Better EP. Enchaînons cette fois à Audiomatic avec le projet américain Miscellaneous. Thank you. surprise. The world has turned and is turning ceaselessly. What now? What now? What's the meaning? No sense, no truth, no feeling. What now? What now? What's the meaning? She's proved. Still got feeling. However low it seems, me and her will sleep tomorrow, dreaming ice and to another planet for the first time. I said, holy cow, this is something. Thank you. Cette séquence musicale se terminait à Audiomatic avec le duo Fisher Spooner et la chanson Money Can't Dance de leur album Entertainment. On a aussi pu entendre tout juste avant l'artiste norvégien Sivert Øyem et la pièce Animal Child qui est extraite de son album Long Slow Distance. Et pour débuter, le projet américain Miscellaneous nous interprétait la pièce Korea vs. Japan qui est parue sur l'album Happiness is Easy. Pour mettre un terme à cette transmission 219 d'Audiomatic, nous entendrons le groupe français Exxon Valdez et leur chanson Lali, ici remixée par As Pats. Cette version est disponible sur l'album Archives No. 1 Remixes. Comme mentionné plus tôt dans l'émission, prenez note qu'il s'agissait de la dernière transmission d'Audiomatic animée par les électronistes. En effet, le mercredi 26 décembre prochain, Audiomatic fera relâche et à compter du mercredi 2 janvier 2019, Audiomatic vous reviendra cette fois animé par les sonoristes qui prendront le relais des électronistes en vous présentant des transmissions qui ne se limiteront plus au seul style électronique, mais à tout ce qui est sonore. Si vous êtes amateur de musique électronique, soyez rassurés, car les sonoristes continueront à inclure des musiques à caractère synthétique au répertoire d'Audiomatic. D'ailleurs, les électronistes vous remercient sincèrement de les avoir suivis pendant les 219 transmissions pour lesquelles ils avaient le contrôle. Nous quittons en sachant que les sonoristes continueront la tradition d'Audiomatic avec une plus large portée encore. Malgré le départ des électronistes, vous pourrez continuer à écouter les transmissions d'Audiomatic en balado-diffusion, toujours en vous rendant au facebook.com/audiomatic-cfou ou encore au mixcloud.com/audiomatic. Voici donc Exxon Valdez et la pièce Lali, remixée par As Pats. C'était Audiomatic avec, pour une dernière fois, les électronistes.